arabesques. Faire courir mes doigts sur ton ventre crispé. J'aimerais dans ton cou poser une caresse et de ma bouche avide te couvrir de baisers. J'aimerais te sentir comme on sent une fleur. Laissez venir en moi tes frissons, ton parfum. Me laisser envahir par ton goût, ton odeur. Et souhaiter que l'amour n'ait jamais de mot. Gorge déployée, rire de mes bêtises, je voudrais t'amuser. Je voudrais te redonner la confiance en la vie. La confiance en moi, que tu vois qui je suis. Je voudrais te couvrir de baisers et de larmes, mais des larmes d'amour et non pas de chagrin. Je voudrais dans tes bras redécouvrir le charme. C'était opéré quand j'avais pris ta main. J'ai envie de t'offrir l'homme du premier jour. Avec ses calembours, j'ai envie de t'offrir mes sourires et l'amour. Ne jamais les laisser faiblir par les détours. Aujourd'hui je suis là, bien décidé à être moins con que je ne suis, prétentieux et bête. Ne plus croire que le monde tourne autour de moi. Oublier un petit peu pour ne penser qu'à toi. Sur ta peau faire des arabesques, faire courir mes doigts sur ton ventre crispé. J'aimerais dans ton cou poser une caresse.